chez Alfred, et c'est le 8e épisode. Et aujourd'hui, on va parler de communication, mais pas forcément dans le sens où on l'entend, de parler, mais plus de recevoir. En fait, la communication, pour moi, c'est deux choses. D'abord, envoyer une information à quelqu'un, mais la communication, elle se fait aussi dans la façon dont la personne perçoit la réponse. Et c'est là où est tout le problème pour moi, dans le sens où ça m'est arrivé d'avoir des problèmes par rapport au fait que j'ai beau essayer d'exprimer quelque chose, les gens ne recevaient pas ce que je voulais dire, et moi-même, je recevais mal ce que les gens voulaient me faire comprendre. Comment expliquer ? En fait, il faut se repasser sur le fait que on pense qu'on parle la même langue, parce qu'on est tous, enfin, en tout cas, là, ceux qui m'écoutez en ce moment, je pense, vous êtes majoritairement français, en tout cas, vous parlez français francophone, dans un milieu et dans une culture qui est approximativement la même, et donc, du coup, on a l'impression qu'on se comprend. Sauf que c'est pas si simple que ça, c'est un petit peu plus subtil, dans le sens où on a tous nos vécus, on a tous des arrière-pensées, qui fait que on a des éducations, pardon, aussi, qui font que on ne ressent pas et on ne communique pas de la même manière au final. En tout cas, on croit communiquer de la même manière, mais ça s'exprime pas forcément pareil. Enfin, comme exemple, il y a un livre où il y a plusieurs théories sur les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, dans le sens où on n'a pas la même façon de concevoir le monde et de concevoir les sentiments, la relation à l'autre, etc., etc. Ce qui fait que parfois, il y a des mésententes entre hommes et femmes. Mais je pense aussi qu'il y a entre deux hommes et entre deux femmes. Dans le sens où moi, j'ai eu des soucis avec des gens. Alors, tout simplement parce que ils ne convenaient pas à la vision que je m'étais fait d'eux. Et de la relation que j'avais avec eux. Tout simplement parce que je pense que j'idéalise. Par exemple, dans mon exemple, je parle de la relation amicale. J'idéalise l'amitié. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et l'importance que ça a pour moi n'est pas forcément la même pour mes amis. Ou en tout cas, ils le vivent pas de la même manière. Et ça a mis longtemps à ce que mon esprit le comprenne. Alors aujourd'hui, je l'ai compris. C'est pas pour autant que c'est moins difficile. C'est-à-dire que j'ai toujours des soucis avec mes amis qui ont des comportements qui, moi, me blessent. Parce que, alors que ça pourrait être des comportements normaux pour eux, que eux jugent normaux, et qui, moi, dans ma vision que j'ai de la relation d'amitié, ça correspond pas à ce que j'ai en tête, et c'est pour ça que, alors ça s'éloigne peut-être un petit peu de la communication, je sais pas, j'ai du mal à trouver le thème de ce 8e podcast, mais voilà, je voulais parler de ça, sur le fait que les gens ont différentes visions des choses, et de ce qui est bien et ce qui est mal, à plus ou moins d'échelle, hein, bien sûr, mais voilà, c'est... J'idéalisais donc beaucoup, beaucoup les relations amicales, et je continue malheureusement de le faire un petit peu trop. Comme certains, par exemple, idéalisent les relations amoureuses ou des choses comme ça. Où ils voient des défauts chez l'autre qui ne sont pas vraiment des défauts, mais plus des manières de penser qui sont différentes, des exigences qui sont différentes, des éducations qui sont différentes. Et qui font que les personnes ne s'entendent pas forcément parce que les gens n'ont pas appris à réagir aux choses de la même manière. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, et c'est compliqué parce que je sais pas encore comment réagir par rapport à ça. J'essaye de baisser mes exigences, mais en même temps, après je sais pas où est la limite entre un comportement que j'ai jugé, parce que moi mon exigence était peut-être trop haute. Ou c'est un comportement qui ne correspond pas à ce qu'est l'amitié. Enfin voilà, je sais pas si ce que je dis a un grand intérêt. Je sais pas encore si je garderai ce podcast. Mais voilà, je pense à ça depuis longtemps, parce qu'en fait en ce moment je suis en conflit souvent, très souvent avec mes amis en ce moment. Alors c'est aussi du fait que je suis dans une phase un petit peu difficile. Et là, on entre dans ce qui est un petit peu, qui est très personnel, mais bon, mais en même temps, ce podcast, il est là aussi pour ça. Le problème, c'est que maintenant, je sais qu'il y a des amis à moi qui les écoutent, et c'est plus difficile, et j'hésitais avant de leur en parler, finalement, j'en aurais parlé parce que voilà, j'aime bien partager les choses, et que j'étais assez fier de ce que je faisais, même si c'est pas incroyable, mais ne serait-ce que de l'avoir fait. Mais du coup, c'est compliqué de parler maintenant, parce que voilà, c'est... Je perds mon statut d'anonyme, en quelque sorte, et donc du coup, bah voilà, mais bon, pour... Disons qu'en ce moment, je suis pas au top, dans le sens où je suis sans emploi, en tout cas, enfin, dans ce que j'aimerais faire, dans ce que, pourquoi j'ai étudié, j'arrive pas à trouver de travail, donc du coup, je cumule d'autres emplois à côté, qui sont là plus pour bouffer qu'autre chose, et, mais aussi beaucoup de temps de chômage, où je reste à la maison, m'occuper de mon fils, ou de tourner en rond, et en fait, je me rends compte que j'en souffre, et que ça me rend malheureux, et que ça me rend irritable au fur et à mesure, parce que c'est compliqué de ça a été compliqué pour moi de dire que j'étais malheureux, ça m'a pris du temps, et c'est surtout le fait que j'ai ce comportement excessif et j'étais à fleur de peau tout le temps dans mes relations avec ma femme et avec mes amis, parce que et c'est là que je me suis rendu compte du coup que j'étais malheureux. Et donc c'est compliqué pour moi de dire que je suis malheureux parce que, bah voilà, j'ai de quoi manger, j'ai un toit, j'ai une famille que j'aime, j'ai une femme avec qui je m'entends très bien, même si en ce moment, bah, comme je suis plus irritable, voilà, c'est plus compliqué pour elle de me supporter aussi parce que je m'en rends bien compte et que ça vient de moi, donc bon, ça se calme assez vite nos problèmes, mais quand même, enfin voilà, je sais que je suis pas facile à supporter en ce moment, Et donc voilà, et donc je me rends compte que voilà, c'est difficile de s'estimer malheureux quand on pense à ce que d'autres gens vivent, mais en même temps c'est ce qui arrive quand ça fait longtemps que quelqu'un est au chômage, qui se sent inutile, que beaucoup de projets nécessitent quand même un petit peu de financement, on fait rien parce qu'on n'ose pas dépenser le moindre centime, parce que c'est ma femme qui bosse pour deux, pour trois même. Que tout coûte cher, enfin non, mais pour faire beaucoup de choses il faut un peu d'argent et c'est compliqué, et de ne rien faire comme ça, mon chat en miaule pour dire, c'est difficile. D'ailleurs, autre chose, on a justement un rapport avec mon chat qui miaule parce qu'il a sûrement vu un pigeon, je vais me séparer de mon chat. Encore une fois, ça part loin et que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce pourquoi je voulais parler. Ou alors c'est ce dont je voulais parler et du coup j'ai esquivé en voulant parler de la communication. Mais au final, c'est vrai que je voulais parler de ça parce que ça sert un peu à ça aussi, ce podcast pour moi. Donc je voulais parler du fait que mon chat, je vais essayer de m'en séparer pour plusieurs raisons. Mais la première étant que je le rends pas heureux, tout simplement. À partir du moment où j'ai pris un jour la responsabilité de m'occuper d'un chat avec ma chérie, et là je me rends compte que j'enferme ce chat dans mon appartement avec un enfant qui ne voit pas le mal à jouer avec un chat et donc veut le caresser, veut venir. Et mon chat est assez sauvage et du coup commence à être très agressif avec mon fils. Et stressée du fait qu'elle est enfermée aussi dans un appartement avec un petit balcon, qu'on ne peut pas la sortir vraiment, qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, qu'on n'a plus, qu'on peut plus, voilà, on continue à la nourrir, etc., à changer la litière, etc., mais tout ce qui est au niveau de l'affection, etc., on n'est plus là, on n'est plus trop là pour elle, et au contraire, voilà, on est plus là à la pousser, à dire, parce qu'on ne veut pas qu'elle attaque mon fils qui s'est fait griffer il y a ce matin encore, par le chat. Donc du coup j'ai pris la décision avec ma femme de nous en débarrasser, alors voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour se débarrasser d'un chat, sachant que je veux pas la lâcher dans la nature comme un enfoiré, hein. Voilà, appel vétérinaire, il y a des associations qui vont récupérer les chats, donc ils devraient m'appeler, donc voilà. Ça fait partie aussi de ce truc là du fait qu'à un moment je pouvais plus supporter mon chat en plus de tout ça, je pouvais plus supporter qu'il agresse mon fils comme ça. Donc c'est un tout, c'est voilà, c'est un petit truc sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre podcast que je ferai qui a à voir avec la fidélité. Et pour moi, qui a un concept complètement dépassé et un peu inutile. Enfin voilà, mais alors je sais que je parle de mon chat, hein, ça amène à quelque chose d'autre que vous verrez dans le prochain podcast que je vais faire dans pas longtemps d'ailleurs, parce que mes idées sont un petit peu en place et voilà. Donc tout ça pour dire que je me suis souvent dit depuis longtemps, hein, que les gens agressifs, c'est des gens malheureux. Je passe du coq à l'âne, je sais. Que le fait d'être agressif, sauf si c'est vraiment la façon dont t'as été élevé, et encore, je pense que c'est dû à des problèmes, forcément. Et donc là, je sais qu'en ce moment, je suis agressif et j'essaie de m'en excuser auprès de mes amis à cause de ça. Et pour l'instant, j'ai un peu de mal à m'en sortir parce que bah, j'ai toujours pas de travail. Alors je fais des podcasts qui me fait du bien, j'ai lancé un autre podcast avec des amis qui s'appelle Comme si c'était demain. Mais là encore c'est compliqué parce que, encore une fois, le podcast, au début enfin, on a eu des longues discussions parce que ce podcast correspondait pas forcément... Alors là on est en plein dans l'envers du décor, mais à ce que j'avais imaginé. J'avais une vision, justement, pour revenir sur la communication, une vision de ce podcast qui, même si c'est pas inintéressant et pas moins intéressant en tout cas, ne correspond pas à ce que mes amis ont fait dans les premiers podcasts. Et donc du coup on a une longue discussion par rapport à ça, alors un petit peu d'incompréhension, alors peut-être que je me suis mal exprimé aussi au début, et donc voilà, donc je sais pas si on a encore réussi à trouver le bon angle chacun pour faire ce podcast là, mais voilà, vous pouvez commencer à écouter les premiers épisodes qui sont un petit peu brouillons, ou enfin en tout cas c'est très particulier, on essaie quelque chose, mais pour moi on n'a pas encore été vraiment là où on devait aller. Ou en tout cas, enfin, pas là où on devait aller, mais en tout cas, on n'est pas encore dans une cohérence et un truc qui roule et dont on est content pour l'instant. Mais donc voilà, ça s'appelle Comme si c'était demain, par les trois singes, et vous pouvez retrouver ça sur SoundCloud et sur iTunes. Il y a deux épisodes pour l'instant. Voilà, c'est des épisodes où on imagine des situations. Et si demain je me réveillais seul au monde, ou et si demain je me réveillais dans mon corps de 2010. Voilà, ça c'est les deux premiers épisodes, vous pouvez aller voir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'était un podcast particulier où j'avais vraiment envie de parler, j'avais pas forcément des choses précises. Enfin, j'avais des choses dont j'avais envie de parler, mais qui avaient un peu de mal à sortir de moi. Et voilà, je vais essayer de faire des podcasts un petit peu plus normaux et sur des thèmes précis bientôt. Mais voilà, ça, il fallait que ça sorte. Ce podcast-là, ça me permet aussi de faire ça. Donc voilà, des bisous à tous et on se retrouve bientôt pour un podcast un peu plus normal. Voilà, bonne soirée.